Before we start the Dhamma talk, we pay homage to the Buddha, no matter the three times. Namo Buddhasya, Bhagavato, Arahato, Sammasambuddhasya. Namo Buddhasya, Bhagavato, Arahato, Sammasambuddhasya. Extrait d'un enseignement donné par le vénérable Unodinyana à Rangoon le 12 août 2016 et traduit de l'anglais sur la base d'un enregistrement. So, you know, sometimes, you know, we thought, you know, we compare our life with the others' life. Sometimes their life is better. Sometimes we think our life is better. So such, you know, sometimes such a, you know, and the thought make us to be, you know, like, you know, to change into the new life. Parfois, nous ne sommes pas satisfaits de nos vies. Nous la comparons à celle d'autres personnes et nous voulons changer de vie. Deux histoires issues des Écritures illustrent cela. Tout d'abord, dans le Dhammapada, il y a l'histoire de Sangharakita et de son neveu. Sangharakita était un arhat et son neveu un novice au même monastère. Alors que le neveu éventait son oncle, il rêvait de quitter la robe. Il se voyait déjà en laïque et imaginait qu'il n'aurait pas assez d'argent et qu'il devrait vendre une chèvre. Puis il imaginait se marier, avoir des enfants. Il imaginait qu'il amènerait son fils pour voir son oncle et que dans le chariot, il serait assis à côté de sa femme. Mais peut-être sa femme ne tiendrait pas le bébé assez fermement et il tomberait sous le chariot, serait écrasé par le chariot. Tout ça, il imaginait tout en éventant son oncle. Il imaginait qu'il allait frapper sa femme. Il imaginait qu'il se saisissait de l'aiguillon et qu'il la frappait. Mais en réalité, au même moment, il frappait son oncle avec l'éventail. Son oncle, qui lisait les pensées, comprit à quoi il pensait. Et il lui dit, en plaisantant, « Frappe ta femme si tu veux, mais ne me frappe pas moi. » Une autre histoire est issue des Jataka. C'est l'histoire de Kudala Pandita. C'était un ascète, c'était le Bouddha lui-même dans une vie antérieure, en réalité, et il vivait chichement en cultivant des légumes. Puis il pensa à se faire ascète. Et il suivit cette idée qui lui était venue. Il se fit ascète, mais après quelques mois, il se souvint de sa bêche qu'il avait laissée derrière lui et il quitta la robe. Après quelques mois, à nouveau, il renonça au monde. Mais chaque fois, à l'approche de la saison des pluies, le désir de faire pousser des légumes reprenait. Par 6 fois, il cacha sa bêche et par 6 fois, il alla la déterrer par la suite. À la 7e fois, cependant, il se résolut à se défaire de cet attachement à sa bêche. Et il alla vers la rivière et il la lança au loin dans la rivière tout en se fermant les yeux pour être sûr de ne jamais chercher à la récupérer. Il s'écria ensuite « Jinami, j'ai vaincu ». Parfois, nous ne sommes pas satisfaits de notre vie présente. L'herbe semble toujours plus verte ailleurs. Les cours à l'université bouddhique à Rangoon ne correspondent pas toujours à nos besoins, mais nous avons cette chance unique d'apprendre le Dhamma. Dans les deux récits que nous venons de voir, qu'est-ce qui amène à chaque fois les protagonistes à changer de vie? C'est la pensée d'une vie meilleure. La pensée est très importante. Sans elle, on ne changerait pas de vie. En pali, la pensée, c'est vitaka. Vitaka nous amène à accomplir un très grand nombre de bonnes ou de mauvaises actions. Dans le Sakkapanna Sutta, on lit la phrase Chandoko devanam inda vitaka nidano. Chanda, ô roi des Devas, trouve son origine dans la pensée. Ici, Chanda doit se traduire par attachement. Le désir fait surface dans notre conscience. Les pensées créent le désir. Si nous pouvons contrôler nos pensées, nous pouvons changer nos vies. Les pensées mènent notre vie. Si nous pensons que c'est une bonne chose, nous le faisons. Si nous pensons que c'est une mauvaise chose, nous ne le faisons pas. Pourquoi le désir apparaît-il dans notre vie? C'est en raison de la pensée. Nous avons de nombreux souhaits. Au plus on pense, au plus on aura des désirs. On parle dans les Écritures des agrégats d'attachement, Upadana Kanda. Ceux-ci sont l'objet de la méditation de la vision pénétrante, Vipassana. Les pensées ou les consciences sont l'objet de tanha et de ditti, du désir avide et des vues fausses. On s'attache aux objets de ces deux façons, par le désir et par les vues fausses. C'est le sens de agrégat d'attachement, ou Upadana Kanda. Il s'agit dans ce cas de conscience mondaine, Lokiya Chitta. Selon l'Abhidhamma, il y a 81 consciences mondaines. Les 8 consciences supramondaines, Lokuttara Chitta, ne peuvent pas faire l'objet de tanha et de ditti, du désir et des vues fausses. Elles ne peuvent être contemplées comme impermanentes, insatisfaisantes et impersonnelles, anicca, dukkha, anatta, et ne peuvent donc faire l'objet de vipassana. Le Vitaka Santana Sutta énonce au sujet de celui qui est parvenu à contrôler son esprit « Yam vitakam akankisati tam vitakam vitakesati » Il pensera ce qu'il souhaite penser. L'homme qui parvient à penser ce qu'il souhaite penser peut contrôler sa vie. Certains moines ont un désir puissant d'atteindre l'état d'arhat. Ils veulent mettre un terme à cette vie. Ce type de conscience, c'est adichitta, la conscience supérieure. D'autres moines s'efforcent d'y parvenir, mais vitaka, les consciences ordinaires, les perturbent. Pour eux, le Bouddha a énoncé ce sutta. Ce sont les pensées qui nous rendent heureux ou malheureux. Lors de la Seconde Guerre mondiale, un soldat allié raconte que lorsqu'une torpille a percuté son sous-marin, les choses qui autrefois lui semblaient les pires souffrances que l'on puisse endurer, comme la séparation de sa femme ou la perte de son emploi, ne représentaient plus rien par rapport au malheur d'être dans un sous-marin. Pour ma part, quand en l'an 2000 je souffrais d'une rage de dents, je pensais qu'il n'y avait rien au monde qui égale cette souffrance. Mais lorsque j'ai eu des problèmes aux yeux, j'y pensais chaque matin alors que je vérifiais si ma vue avait baissé, et je voyais cela comme le plus gros problème imaginable. Quoi que nous souhaitions penser, nous le penserons. Si nous parvenons à ce stade, nous éliminerons les pollutions mentales. Le Dhammapada énonce « Chittam dantam sukha sukhavaham ». L'esprit dompté amène le bonheur. De nos jours, les gens pensent qu'il faut pouvoir penser librement, que chercher à contrôler ses pensées amènera des problèmes, surtout si on se place du point de vue psychologique. Moi aussi, je pensais comme cela, mais ce n'est pas juste. Parfois, nous nourrissons de l'inquiétude au cours de nuits sans sommeil. Si nous laissons libre cours aux pensées, elles ne s'arrêteront jamais. Certaines pensées sont très néfastes pour notre vie, notre sérénité et notre pratique du Dhamma. La pensée est le facteur clé pour changer nos vies. Ainsi, je pensais que l'eau dans une tasse était meilleure que l'eau en bouteille. Cela m'a amené à prendre de l'eau dans une tasse. Ce que nous pensons, nous le faisons. Dès que nous avons pris une décision, nous la mettons à exécution. La pensée change notre vie, mais aussi nos conceptions. Certaines vues fausses sont très néfastes. Par exemple, Natika Diti. La vue fausse de l'absence de vie après la mort et de conséquences des bonnes ou mauvaises actions. Akiriya Diti, l'idée que les actions ne deviennent pas bonnes ou mauvaises et n'engrangent pas de bons ou de mauvais résultats. Ou encore Ahetuka Diti, l'idée que le bonheur ou le malheur apparaissent sans cause. Ainsi, Dana ou Sila n'ont pas de résultats selon eux. Les tenants de ces vues renaîtront à coup sûr dans les états de perdition. Certaines personnes sont incapables d'éliminer les vues fausses. Elles sont devenues permanentes chez eux. Quel que soit le nombre de bouddhas qui chercheraient à corriger leurs vues, ils ne pourront en changer. Ces vues, en les ressassant encore et encore, sont devenues une forme d'absorption pour eux, une forme de jhana. Ils ont décidé, que Cette vue fausse était juste. La décision en pali, c'est adimokkha. La décision aussi est liée à la pensée. En conclusion, le point clé de ce Dhamma Talk, c'est d'abord qu'il faut apprécier notre vie présente. Même l'ennui peut être profitable s'il est lié à l'apprentissage du Dhamma. Parfois, on pense qu'une autre vie serait même meilleure. Le moine pense que la vie du laïc est meilleure et vice-versa. Le second point clé de ce Dhamma Talk, c'est que la pensée est très importante lorsque nous méditons et aussi dans la vie quotidienne. Le Bouddha a expliqué en détail dans le Sakkapanna et le Vitakasantana Sutta comment la pensée fonctionnait dans notre vie de tous les jours. Comment réagissons-nous lorsque la joie ou le mécontentement se manifestent dans notre vie? En fonction de notre réaction, nous serons heureux ou malheureux. Nous pouvons ignorer la pensée et passer à une autre pensée, réciter un sutta, méditer sur les inconvénients de cette pensée. En réalité, notre vie est très bonne, mais cela ne nous empêche pas d'être parfois malheureux. Par exemple, parce qu'il n'y a pas d'air conditionné, ou bien parce qu'il n'y a pas de calme. Il s'agit de penser. La façon de gérer les pensées est très importante pour le Dhamma. So I'm really happy to give you such a Dhamma talk to you. Maybe my Dhamma talk full of, you know, the details, you know, sometimes. Whatever it is, and I'm really happy to give you Dhamma talk. So we will conclude our Dhamma talk by reciting Sadhu three times.